Ouais, c'est quelle heure là? En plus, j'ai fait les jeux. Ouh, vendredi. Ah, trop bien. Trop bien. Trop content. Non, il se Thank you.